franceinter.fr. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire des événements d'Aléria, le jour où les Corses ont pris les armes. C'était en 1975. 39 ans plus tard, le 25 juin 2014, les nationalistes du FLNC annonçaient par communiqué, sans préalable et sans équivoque, un processus de démilitarisation et une sortie progressive de la clandestinité. Un acte qui mettait fin à 4 décennies de lutte armée et parfois de dérives criminelles. Depuis 6 mois, la Corse est dirigée par 2 enfants du nationalisme corse, l'autonomiste Gilles Simeoni et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni. Quel chemin parcouru ! Car au départ, effectivement, ce combat n'était pas un délit, c'était un combat politique, jusqu'à son épisode d'Aléria, dérapage violent, réprimé avec force par le pouvoir giscardien, mais qui reste pour les Corses qui adhéraient à cette lutte, un acte fondateur. Aléria ou le tournant dramatique, c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pour en parler dans la seconde partie de l'émission, nous recevrons Gilles Simeoni, ancien avocat, ancien maire de Bastia et depuis décembre 2015, nouveau président du conseil exécutif de Corse. Il est le fils d'Edmond Simeoni, l'un des pères de l'autonomisme en Corse. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bullot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry. Programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Stéphane Ronxin, à la technique aujourd'hui Hélène Langlois, Stéphane Poitvin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Suite, retrouver les soucis du pouvoir avec ce qui se passe en Corse. Tout est prévu, nous sommes des gens très organisés, mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu satisfaction. Nous avons des hommes partout. 50 hommes armés de pistolets mitrailleurs sont retranchés dans une cave viticole à Aléria. Dans 3 minutes maintenant, les délais seront terminés, ce qui veut dire que les gardes mobiles attaqueront peut-être si les membres de l'arc... Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas temps ? Pour le sagage, alors vous voulez le tuer, c'est là ? Deuxième sommation, et dernière, on va faire usage de la force. L'histoire du nationalisme corse est une histoire complexe, mouvementée, opposant différents clans et factions, revendiquant chacun un chemin à suivre pour lever un peu plus haut le drapeau traditionnel blanc et noir. En 1975, au début de notre histoire, on ne parle pas encore de nationalisme, de mouvement armé illégal, mais plutôt de revendications régionales, de demandes d'autonomie. Ces militants espèrent un statut particulier, une politique spécifique pour leur région, qui, ne l'oublions pas, possède une langue vivante, vivace, évidemment identitaire, fer de lance de la particularité corse. Et pourtant, pendant l'été 1975, à la fin d'un mois d'août caniculaire, la France va voir naître, en direct, le début d'une guerre entre les autorités françaises et les militants corses. Tout conflit a un début, une cause, que le temps finit par vider de sa substance. On oublie les raisons de l'embrasement, les premiers coups de feu. Quand cela a-t-il commencé? Qui était là? Pourquoi ces premiers morts? Quand on parle de la Corse, on pense aux souvenirs des unes de journaux, des flash infos annonçant le plasticage d'une maison, une prise d'otage, la mort d'un policier ou d'un gendarme, l'arrestation de militants corses, la découverte de caches d'armes. Depuis près de 40 ans, l'histoire des relations entre le continent et la Corse est une histoire d'images, de cartes postales que l'on s'envoie liant à la fois des paysages authentiques et rares des montagnes corses, de ses plages, de ses criques, de ses plaines arides et de ses maisons gigantesques de stars françaises ou étrangères. Et puis parfois d'autres images, d'autres sons nous parviennent, ceux de la rage et des cris de personnes prises dans le chaos d'une guerre entre l'État et des mouvements indépendantistes armés corses. Beaucoup de Français continentaux le disent, les Corses veulent l'indépendance, et bien qu'ils la prennent, si c'était si simple. Et puis bien sûr, nous avons tous en mémoire l'assassinat du préfet Claude Erignac. Un soir de février 1998, le corps gisant dans une rue à Ajaccio. Mais souvenons-nous aussi du 22 août 1975, d'Aléria, de l'opération des autonomistes corses, des blindés, des hélicoptères, des premiers coups de feu. des assassins du préfet Rignac sont-ils les enfants perdus d'Aléria? Dernière sommation. Août 1975, la France est à la plage, sous un soleil de plomb. Sur l'île de Beauté, c'est l'affluence. Comme chaque année d'ailleurs, des milliers d'estivants viennent découvrir cette île dite à juste titre de beauté. Sur le continent, le pouvoir est en vacances. Le président Valéry Giscard d'Estaing, pour son second été présidentiel, a fait le choix de l'Afrique. À la fin du mois d'août, il parade dans les rues de Libreville, au Gabon. Son premier ministre, Jacques Chirac, lui, préfère le calme de sa terre d'élection, la Corrèze. Pendant les vacances du pouvoir, c'est donc Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur et ministre d'État, qui est en charge des affaires de la France. Il ne le sait pas encore, mais il sera bientôt au cœur de l'un des événements les plus marquants de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Car en Corse, l'atmosphère est électrique. Depuis plusieurs mois, les critiques fusent contre les autorités du continent qui dirigent de Paris les affaires corses. En février 1974, un scandale de trafic de vin éclate. Plusieurs sociétés sont accusées d'avoir fait entrer dans la fabrication de leur production des composants chimiques. Un an plus tard, la Covirep, la société continentale qui commercialise une partie du vin insulaire, dépose le bilan. Conséquence, certains producteurs corses qui vendent du vrai vin ne sont plus payés. C'est dans ce contexte de scandale financier lié à certains gros producteurs vinicoles que s'ouvre le concret de l'ARC, l'Action pour la Renaissance de la Corse, à Corte, capitale historique de l'île. Et ce 15 août, ce 17 août 1975, comme chaque année, l'affluence est au rendez-vous. Plus de 6000 participants sont présents. Alors fort de ce succès, Edmond Simeoni, porte-parole de l'ARC, intervient fièrement devant les caméras de la télévision régionale. Il déclare les objectifs du mouvement autonomiste corse. Nous voulons tout simplement un statut d'autonomie interne au sein de la République française, ce qui exclut le séparatisme, comme je l'ai déjà dit, puisque nous ne revendiquons ni les affaires étrangères, ni la défense nationale. Par contre, dans tous les autres domaines, à savoir la formation des hommes, le développement économique et social, nous entendons avoir nos propres lois. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un été plus chaud que les autres. Nous pensons que lentement, les problèmes viennent à maturation et que malheureusement, devant le refus systématique du dialogue, devant des promesses séculaires non tenues, on s'achemine lentement, mais sûrement, vers des actes regrettables. Pour notre part, nous ne dérogerons pas nos responsabilités, nous les assumerons, quel que soit le prix à payer. Qu'entend-il par « nous prendrons nos responsabilités » Qu'ont-il prévu dans les prochains jours? Le lendemain, le préfet de région Corse, Gabriel Gili, publie un communiqué dénonçant, je cite, « les menaces publiques réitérées d'affrontements sanglants que profèrent aujourd'hui les dirigeants de l'ARC. Toute action illégale, poursuit le préfet, comportera sa sanction, c'est une mise en garde qui ne sera pas renouvelée. » En ce mois d'août 1975, le temps est à l'orage, comme souvent d'ailleurs dans les montagnes corses, l'après-midi. Au petit matin du 21 août 1975, dans les plaines d'Aléria, des ombres arpentent en silence les terres d'Henri Depeille, un rapatrié d'Algérie. À 7h du matin, 8 hommes prennent position et entrent en action. Ils réveillent l'ensemble des occupants, se présentent, puis les invitent à quitter les lieux au plus vite. Ils sont tous munis de fusils de chasse et trimballent des munitions. Certains portent des t-shirts à l'effigie de leur mouvement ou de la tête de mort, symbole de la Corse. À leur tête, on retrouve Edmond Simeoni, un médecin, porte-parole de l'ARC depuis des années. L'organisation vient de mettre ses menaces à exécution. Après que l'ensemble du personnel du domaine a quitté les lieux, les hommes de Simeoni investissent le domaine d'Henri Depeille. Sur les murs extérieurs de la maison, ils taquent des mots d'ordre et des slogans autonomistes comme « Terra Corsa, ai Corsi » ou « Colonfora ». Les drapeaux traditionnels corses fleurissent aux quatre coins du domaine. Mais pourquoi prendre place ici, à Aléria, dans le domaine de M. Depeille? Parce que Aléria est un symbole pour ces militants autonomistes. Cette ville est au cœur de la région dite de colonisation intense, que les militants de l'ARC critiquent et combattent depuis de nombreuses années. Depeille fait partie des producteurs de vin qui, pour ses militants, sont à l'origine des maux de la profession et de l'appauvrissement des Corses. Il est accusé d'avoir étendu démesurément ses propriétés au détriment des petits viticulteurs. Et il est vrai qu'en 1975, le vignoble corse a connu, à la suite de l'arrivée des rapatriés d'Algérie, des pieds noirs, une croissance incroyable. Le seul problème, c'est que 70% du vignoble corse appartient désormais à 300 personnes qui se partagent un chiffre d'affaires important. Les 30% restants du vignoble sont entre les mains de 10 fois plus d'exploitants, quelques 3000 viticulteurs. Et ce partage, vous l'aurez compris, est loin d'être favorable aux viticulteurs corses. Aléria est donc un symbole de ce déséquilibre. Sa prise est alors un acte symbolique dont le but est de mettre fin aux privilèges de certains, une sorte de nuit du 4 août corse. À 9h du matin, Edmond Simeoni appelle directement le correspondant de l'AFP à Bastia, Aimé Pietri. C'est ainsi qu'on entend parler d'Edmond Simeoni, leader d'un mouvement corse. C'est la guerre du vin en Corse, et je ne dis pas cela pour user d'une formule. Un commando de 50 hommes a investi ce matin une cave vinicole appartenant à un rapatrié d'Algérie. Cela se passe à Alistro, et cette fois, les viticulteurs sont décidés à employer les grands moyens, puisqu'ils sont armés de fusils de chasse, mais aussi de fusils mitrailleurs et de pistolets automatiques. Le personnel de l'entreprise a été évacué de force, et pour l'instant, le commando est retranché à l'intérieur de cette cave. Il paraît décidé donc à soutenir un siège éventuel, d'autant qu'il a apporté du ravitaillement et des lits de camp. D'après les informations qui nous arrivent, il s'agirait de militantes appartenant à l'action régionaliste corse. Une cinquantaine d'individus armés de mitraillettes et d'armes automatiques. Mais quelles sont leurs intentions ? L'occupation de la cave de Peille ce 21 août 1975 n'est en rien une action banale, une pulsion autonomiste de quelques excités corses, non. Cette action a été scrupuleusement préparée, organisée, planifiée. Chacun sait ce qu'il doit faire, quelle doit être sa place. Autour du domaine, des barrages sont installés pour filtrer les allées et venues. De nouveaux militants de l'ARC arrivent, des matelas sont amenés, des vivres sont stockés. Après la diffusion de la dépêche de l'AFP, toutes les rédactions cherchent à envoyer leurs journalistes sur place. À 10h30, devant les caméras et les micros, le chef du groupe, Edmond Simeoni, prend la parole. Personne, mais étant bien entendu que l'intervention des forces de l'ordre se solderait cette fois-ci par un massacre. Vous êtes combien pour occuper cette cave ? Nous sommes plusieurs dizaines d'hommes en armes à l'intérieur, mais cela ne rend qu'imparfaitement compte de la situation car nous avons des hommes partout. Est-ce que vous avez séquestré certaines personnes ? Nous n'avons séquestré absolument personne. Nous avons sorti de la cave avec beaucoup de ménagement une quinzaine de personnes qui s'y trouvaient. Nous les avons reconduites à Aléria. En particulier, il y avait de jeunes enfants qui n'ont été absolument pas traumatisés. Et quant à la pratique corse, elle est fondamentalement hostile à la rétention d'otages, car c'est un pays trop respectueux des individualités et des gens. Les propos d'Edmond Simeoni sont pesés, argumentés, pour expliquer de façon claire l'action en cours de l'ARC. Edmond Simeoni parle d'une occupation pacifique, défensive, qui ne menace personne. Il explique aux journalistes sa stratégie à étages. Un plan de com', quoi. Pour lui, l'action n'a pour but que d'organiser une rencontre des socioprofessionnels pour le vendredi, donc le lendemain. Il imagine ensuite la tenue d'une conférence de presse pour le samedi. Et puis, pendant qu'on y est, un grand meeting populaire le dimanche. Devant les caméras, Edmond Simeoni donne donc rendez-vous à la presse et aux Français dans 3 jours. Il envoie une sorte de faire-part médiatique aux autorités, les invitant à suivre le programme proposé par la RC. Il ne doute de rien, cet inconnu. Edmond Simeoni a forgé son régionalisme sur cette terre, à Niolo, la plus haute région de l'île alors. Élève brillant au lycée de Bastia, il poursuit ses études en médecine. Il ouvre ensuite son cabinet en 1965, dans cette même ville. 2 ans plus tard, en 1967, il participe à la création de l'Action régionaliste corse, qui sera rebaptisée quelques années plus tard « Action de la Renaissance corse ». Alors le ton est plus ferme, mais l'objectif plus ambitieux. Il partage ce combat pour l'autonomie de la Corse avec son frère Max, qui lors de la prise d'Aléria est à l'arrière, en discussion continue avec les militants et les autorités. Face aux caméras de la télévision, Edmond Simeoni est à son habitude pacifique, mais déterminé. Le cadre de l'image est parfaitement construit. Edmond Simeoni est debout, au premier plan, les bras croisés sur son t-shirt où l'on peut lire « Autonomia ». Il n'est pas du tout impressionné par la caméra, aucun vêtement de chasse, aucune cagoule ou habit de camouflage. Non, on verra ces images plus tard. Juste un pantalon de jogging et un t-shirt orange. Derrière lui, 4 jeunes hommes armés de fusils de chasse posent, silencieux, visage découvert. Leurs armes sont parfaitement visibles. Ils ne cherchent pas à les cacher. Elles font partie du décor. Se rend-il compte de l'impact de ces images dans l'opinion et sur le continent? Le message défensif prôné religieusement par Edmond Simeoni n'a pas le même sens avec ces hommes armés derrière lui, forcément. Au soir du 21 août 1975, sur les ondes de France Inter, à 20h, la France a peur. Comment peut évoluer cette affaire? Difficile à dire. Les dirigeants de l'ARC, en engageant une telle action, semblent chercher les preuves de force. Cette action n'est pas improvisée. La suite des événements dépend surtout des décisions que prendront les autorités. Le préfet s'est montré extrêmement sévère dans ses propos et l'on ne peut plus joindre les dirigeants de l'ARC par téléphone dans les locaux qu'ils occupent. Et là, à Paris, l'affaire Corse est prise très au sérieux. À tel amour, cigare, période estivale, quand le président de la République et le chef du gouvernement sont en vacances, c'est au ministre le plus haut placé dans la hiérarchie que revient la charge de poursuivre les affaires du pays. C'est donc sur le bureau de Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, qu'atterrit le dossier d'Aléria. Et c'est loin d'être une bonne nouvelle pour les occupants d'Aléria. Michel Poniatowski est un homme à poigne, ancien résistant. Il fut l'un des membres du premier bataillon parachutiste de choc de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1956, il rencontre Valéry Giscard d'Estaing aux États-Unis. Il devient son directeur de cabinet lorsque celui-ci devient secrétaire d'État aux finances du général de Gaulle entre 1959 et 1962. En 1974, cet ancien partisan de l'Algérie française est nommé ministre de l'Intérieur par Valéry Giscard d'Estaing. Il est un peu à ce dernier ce qu'était Brice Hortefeux à Nicolas Sarkozy, par exemple. Dans ses bureaux de la place Beauvau, Michel Poniatowski, qu'on appelle Ponia, est un homme attaché aux opérations coup de poing. La bataille médiatique et pacifique des militants de l'ARC n'est pas du tout, mais alors pas du tout du goût de ce ministre de l'Intérieur. Dès la fin de la matinée, après la diffusion de l'information dans la presse, il publie un premier communiqué où il donne certains éléments sur l'événement en cours. Il confirme l'information et indique qu'une cinquantaine d'hommes armés de fusils mitrailleurs ont investi une ferme en Corse. Estimant que l'unité nationale est en danger, il décide l'envoi dans les plus brefs délais d'un demi-millier d'hommes vers la Corse. À Alésia, dans cette nuit du 21 août, après presque 24 heures d'occupation, la tension monte. La ligne téléphonique ne fonctionne plus, elle vient d'être coupée par les autorités. Ses membres se relaient pour scruter les mouvements de gendarmes déjà présents. Sur les images des films des journalistes, on observe la présence de nouveaux visages. Des personnes apparaissent, puis disparaissent de la cave. Edmond Simeoni, lui, poursuit devant les journalistes de façon presque mécanique ses discours sur l'autonomie de la Corse, les positions de l'ARC, la colonisation de la Corse, la politique agraire. Il ne le sait pas encore, mais au loin, des hélicoptères Puma approche. On n'est pas sur la presse à bois, une colle pas là. Le 22 août, au journal de 8 heures, le correspondant de France Inter fait le point de la situation. Les choses ont tout à fait changé d'aspect ce matin à Aléria, où les membres de l'ARC et de la FDSEA, armés jusqu'aux dents, occupent toujours une ferme. À 5h30, 6 hélicoptères Puma se sont mis à tourner au-dessus des lieux et tournent sans arrêt depuis cette heure-là. Des automitrailleuses, d'autre part, se sont rangées sur la route de chaque côté de la ferme. Les journalistes ont été évacués. Les opérations semblent conduites par le sous-préfet de Bastia, Jacques Guérin. Aux dernières nouvelles, les autonomistes se seraient emparés de 6 otages. Edmond Siméon nous a confirmé la détermination de son mouvement dans le cas d'une intervention des forces de l'ordre. Nous considérons que nous sommes en légitime défense et nous ne céderons pas un pouce de terrain. À l'aube, les militants de l'ARC prennent les devants. L'arrivée dans la nuit de centaines de gendarmes mobiles change la donne. Désormais, l'accès à la cave de paille est strictement encadré par les forces de l'ordre. Les va-et-vient de curieux, militants, membres de familles des occupants sont désormais impossibles. Les hommes de Siméoni sont coupés du monde. Ils décident alors de prendre en otage, de séquestrer, d'inviter à rester, selon les formulations de chaque camp, 4 travailleurs marocains du domaine. Une sorte de garantie qui permet de décourager toute envie d'assaut, du moins pendant un petit moment. À 11h30, le préfet de Corse, Gabriel Gilly, déclare avoir proposé à la bande armée d'Aléria de déposer les armes. Je voudrais simplement dire que s'il n'y a pas eu de réaction immédiate, c'est pour éviter un affrontement et laisser à ceux qui inconsidérément sont partis dans l'illégalité un temps de réflexion pour revenir dans cette légalité. Alors que faire ? Hier, ils imaginaient qu'Aléria serait une opération coup de poing, courte, symbolique, et que dimanche, ils fêteraient tous ensemble ces nouvelles mesures obtenues lors d'un grand meeting populaire. Mais peut-on négocier en brandissant des armes ? Après plus de 24 heures d'occupation, la fatigue prend le pas sur la réflexion politique. L'esprit est embrumé, le choix cornélien. En quelques heures, Aléria est devenu un piège dont ils ont eux-mêmes créé le cadre. Michel Poniatowski, lui, ne lâchera rien. Les hommes de Siméoni doivent prendre une décision. Baisser la tête, déposer les armes et imaginer le changement de la Corse par les voies classiques de la démocratie, ou bien rester sur place et attendre l'assaut jusqu'à y perdre, peut-être, la vie. Ils prennent leur décision, ils restent. Les forces de l'ordre, elles, se préparent. Écoutez la corde ! Deux camps s'affrontent, les gendarmes mobiles munis de mitraillettes, de blindés et d'hélicoptères, et les militants de l'ARC qui sont une vingtaine prostrés dans la cave de paille, munis de fusils de chasse et peut-être d'autres armes. Entre la cave et les forces de l'ordre, des journalistes sont toujours présents. Eux aussi ont fait le choix de rester et de couvrir l'événement. Parmi eux, munis d'un simple nagra, Patrick Penaud, notre ami Patrick Penaud de France Inter, et Philippe Alfonsi, alors jeune journaliste, enregistrent les derniers moments d'Aléria. Ils avancent des deux côtés, nom de Dieu! Edmond. 15h45, l'automitrailleuse sur la route commence à approcher. Les militants de l'ARC ont regroupé tous leurs fusils. Certains sur le balcon, d'autres sont couchés à plat ventre devant les vignes qui entourent la cave qui est occupée par les manifestants de l'ARC. Faites stopper là-bas. Lorenzoni, là-bas. Arrêtez en arrière! Une femme est en train de pleurer. Je crois maintenant que l'assaut est imminent. Un gendarme mobile vient de donner comme ordre à ses hommes de tirer par les ouvertures. Ils se sont cachés derrière une cabane qui se trouve juste devant la cave occupée par les autonomistes. De l'autre côté, dans les caves, tout s'accélère. Dans un livre paru un an après l'événement, Edmond Simeoni raconte ces quelques minutes interminables. Il dit « À 16 heures, après l'arrivée dans la journée de quelques militants, nous étions 20 à 25. Tout à coup, j'ai entendu confusément grésiller un haut-parleur. Je n'ai pas compris, je n'ai compris que les mots en fait. Première sommation, l'assaut va être donné. » Immédiatement, je suis allé chercher les travailleurs nord-africains et sans condition, je les ai confiés à un gradé de la gendarmerie pour ne pas les exposer inutilement. Ensuite, à 16h10, j'ai entendu le haut-parleur bafouiller encore. Deuxième sommation. Deuxième sommation. Une voiture appartenant à un autonomiste de l'Arc se met en travers de la route. Je crois qu'il s'agit du frère d'Edmond Simeoni. Qu'est-ce que c'est, ce passant ? Pour le stagage, nous discutons. Alors, vous voulez nous tuer sur place ? Deuxième sommation. Et derrière, on va faire usage de la force. Je répète, derrière sommation, on va faire usage de la force. Ils sont d'un courage, ces mecs, c'est pas incroyable. Il y a une délégation qui va être reçue. Ils ont donné, monsieur. Non, ils n'ont pas été donnés. Vous avez demandé confirmation. Première grenade lacrymogène part actuellement. Dans son livre Souvenir, Edmond Simeoni affirme, je le cite, « Je n'ai donné aucun ordre d'ouvrir le feu, mais naturellement, je savais que si les forces de l'ordre attaquaient réellement, les militants et moi-même riposterions. On ne nous a laisser l'ombre d'une chance de sortir du piège la tête haute, pas l'ombre d'une chance. La volonté répressive seule a prévalu. À 16h15, des forces de l'ordre ont ouvert le feu. Pendant 2 minutes environ, elles ont été seules à tirer. Puis les occupants de la cave ont riposté avec des fusils de chasse. Ça y est, les manifestants autonomistes commencent à tirer. Je ne les vois mal parce que je suis juste derrière l'automitrailleuse de la gendarmerie, mais Philippe Alfonsi vient de me dire que les manifestants autonomistes enfermés dans la cave commencent à tirer à l'instant même. Il y a déjà un gendarme mobile qui, semble-t-il, est blessé. Attention les mecs. Deux gendarmes mobiles sont penchés sur lui. Les mecs, oh, quel truc bouge. Si ça bouge, on a une balle dans la gueule. Alors qu'on me confirme qu'un gendarme est blessé, il est couché dans le fossé. Ils emploient maintenant la mitraillette du côté des gendarmes mobiles. Du côté des gendarmes mobiles, oui. Non. La mitraillette a été tirée par les manifestants. C'est les militants de l'Arc qui viennent de tirer à la mitraillette à l'instant. On me dit à l'instant que... Oui. C'est très grave, non ? Très, très grave. Il était couché derrière le remblai. Il a été atteint, sans doute, on avait tiré... À la tête, il était blessé. Il est blessé à la tête. Ouais, il vient de... Attention, le char s'en va, là, on est couvert. Écoutez la gare ! Allez, Ahmed ! À 16h30, Edmond Simeoni hisse le drapeau blanc. Il demande une trêve pour permettre l'évacuation de Pierre Susini, l'un de ses compagnons qui est gravement blessé à la jambe. Côté force de l'ordre, 2 gendarmes sont tués lors de cette opération. Michel Hugel, maréchal des logis chef, âgé de 36 ans, et Jean-Yves Giraud, un jeune homme de 20 ans. À 17h, Edmond Simeoni se constitue prisonnier. Face aux caméras encore présentes, il analyse à chaud l'échec et le drame de ces 2 jours à Aléria. Conformément à ce qui a été décidé, je vais aller me constituer prisonnier. Les hommes sont partis la tête haute, avec leurs armes, avec leurs équipements. La première chose, je pense, c'est qu'il faut s'incliner devant les victimes de part et d'autre. Elles sont les victimes inutiles d'une lutte injuste. Pour notre part, le combat politique commence. Et je pense que cette lutte aura l'avantage de cristalliser l'opinion publique sur des scandales que l'on a voulu étouffer. Désormais, plus rien ne sera pareil en Corse. Le ministre de la Défense, Yvon Bourges, a cité à l'ordre de la gendarmerie Michel Hugel et Jean-Yves Giraud, qui sont morts vendredi avant même la fin de l'assaut de la cave vinicole d'Aléria. À l'ordre de la gendarmerie nationale, le maréchal des logis-chefs, Michel Hugel. Les dépouilles des deux gendarmes vont être rapatriées à présent dans leur localité. Le 26 août, le Premier ministre Jacques Chirac est revenu de vacances. Accompagné de son ministre de l'Intérieur, il participe aux funérailles au Val-de-Grâce des deux gendarmes tombés à Aléria. À la suite du drame, Michel Poniatowski déclare « Les responsables de l'ARC ont donc réussi leur dessein criminel en faisant couler le sang en Corse. Leur entreprise insensée qui vise à rompre l'unité nationale ne saurait en aucun cas être tolérée. » Le ministre de l'Intérieur n'a pas failli à sa réputation. Il aime les coups de force, utiliser l'ensemble des moyens à sa disposition pour briser ceux qui s'opposent à l'autorité de l'État. Pourtant, c'est bien lui qui a ordonné l'assaut des gendarmes mobiles, renforts d'hélicoptères et d'engins blindés légers, des armes de guerre, pour une poignée d'hommes dans une cave au milieu d'un endroit perdu de Corse. Le 27 août, Edmond Siméoni est déféré devant la cour de sûreté de l'État. Il est incarcéré à la prison de la Santé le même jour. Le Conseil des ministres, sous la houlette de Jacques Chirac, décide la dissolution de l'ARC. À Bastia, c'est l'émeute. Le sang coule à nouveau. Un CRS est tué. Le sous-préfet de Bastia, monsieur Guérin, réagit à ce nouveau drame. Nous avons à l'heure actuelle un mort, un mourant et 13 blessés parmi les forces du service de l'ordre. C'est un bilan qui se passe de commentaires. Nos hommes, comme ça avait été le cas à l'Eria, ont été tirés. Ils ont riposté. Tout ce que j'ai à dire maintenant, c'est que toute notre ardeur sera mise dans le but de retrouver ces assassins. En juin 1976, la Cour de sûreté de l'État condamne Edmond Siméoni à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Quelques semaines auparavant, en mai 1976, dans l'éclat de 22 déflagrations en Corse, à Nice et à Marseille, un nouveau mouvement fait une entrée fracassante dans notre quotidien, le FLNC, Front de Libération Nationale Corse. Il vient de naître, l'autonomisme à visage découvert laisse la place à l'indépendantisme violent et quelquefois aveugle. À partir de cette date, dans chaque bruit sourd d'un corps qui tombe ou d'une bombe qui explose au long de la Corse, on entend l'écho des balles tirées à Aléria le 23 août 1975. On se connaissait peu, je me croisais parfois dans un bar parisien, à deux pas de chez moi. Nous buvions quelques verres jusque tard dans la nuit. Était-ce le chemin pour devenir ami? Il m'expliquait sa terre, son peuple, son pays. J'écoutais en silence, attendri. Et d'Ajaccio, de Calvi, de Bastia, des corrompus notoires, des élus, des mafias et des encagoulés réunis au fond des bois pour défier la justice et ce putain d'État. Moi qui ai toujours aimé tous les Robin des Bois, les peuples insoumis, j'aimais ça. France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les événements d'Aléria en Corse en 1975, et nous allons donner la parole à notre invité Gilles Simeoni, ancien avocat, ancien maire de Bastia, et depuis décembre 2015, nouveau président du conseil exécutif de Corse. Je précise qu'il est le fils d'Edmond Simeoni, l'un des pères de l'autonomisme corse, porte-parole de l'ARC, un mouvement régionaliste et autonomiste qui fut au cœur de l'histoire que nous avons racontée aujourd'hui, l'histoire d'Aléria. Gilles Simeoni nous attend à Ajaccio. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, je vais commencer par une question indiscrète, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous aviez quel âge en 1975 ? J'avais 8 ans. 8 ans. Alors, à 8 ans, la conscience politique n'est pas développée, j'imagine, mais il vous reste des souvenirs précis, car votre père était vraiment l'un des acteurs de cette histoire. Oui, bien sûr. Enfin, l'histoire que vous avez racontée, d'ailleurs, très bien racontée, puisque j'étais très ému, forcément. Et je trouve que c'était très juste également, ce qui n'est pas évident pour des événements aussi complexes et douloureux. Mais ceci étant, bien sûr, au-delà du fait historique, c'est aussi un fait fort dans notre famille, dans notre histoire familiale. Et même en tant qu'enfant, c'est vrai que j'ai des souvenirs forts et précis de ces moments. Il y avait quoi ? Il y avait de la gravité et de l'enthousiasme, il y avait les deux, parce que c'était un vrai combat. Alors évidemment... les choses ont mal tourné, mais sur le fond, vous sentiez comme ça une espèce de force qui soutenait ce combat. Vous savez, moi, mon enfance, elle a été aussi celle de dizaines, voire de centaines de jeunes Corses dont les parents ont été militants et quelquefois emprisonnés. Moi, ce que je me rappelle surtout, c'est l'angoisse à la maison, l'angoisse notamment de ma tante, parce que ma mère était absente et elle essayait d'obtenir des parloirs pour aller voir mon père en prison, et notamment les deux ou trois jours qui ont suivi à lire. Et je me rappelle très précisément qu'à la maison, on évitait de parler devant moi, on me faisait sortir de la pièce lorsqu'il y avait la télévision, et on m'empêchait de lire les journaux. Je me rappelle également aussi avoir parcouru dans la presse de l'époque le premier article qui disait que mon père risquait deux fois la peine de mort et une fois la réclusion criminelle à perpétuité, puisqu'à l'époque, la peine de mort n'était pas abolie en France. Et donc, ça a été effectivement un choc brutal. Et puis ensuite, il y a eu, comme pour tous les enfants dont le père est absent, est emprisonné, bien sûr, le poids de cette situation et la difficulté inhérente dans le cercle familial. Mais dites-moi, Gilles Simeoni, pourquoi vos pères ont-ils pris les armes ? Parce que, alors, quand je dis vos pères, hein, je parle de Monsignor Oli, mais de ses compagnons, qui sont les pères du mouvement que vous représentez aujourd'hui, mais d'un point de vue politique. Hein. Je pense que vous avez très bien raconté l'histoire et expliqué comment le mécanisme a conduit à cette confrontation de deux volontés aussi irréconciliables que farouchement opposées. Mais je pense qu'à lire, il n'y en a pas été... un éclair dans un ciel tranquille. Ça a été le point d'aboutissement de logiques historiques qui se sont déroulées sur des décennies, voire des siècles. Et notamment à cette période-là, je pense que au moment de la Renaissance, dans les années 60, de l'aspiration identitaire corse, il y a eu, de la part de l'État, un refus total de prendre en considération cette revendication. Il y avait aussi un sentiment d'injustice, d'inéquité fort. Et notamment, un des éléments déclenchants dans les dernières semaines, c'est que M. Liberbou, qui avait été délégué en Corse pour essayer de restaurer le dialogue entre la Corse et Paris, avait notamment déclaré, lors d'une réunion publique qui avait été extrêmement répercutée au plan médiatique, que même 200 000 Corses autonomistes ne feraient pas changer la Constitution. Mmh. Et donc, je crois que tout le monde en Corse avait à la fois envie d'un changement profond et conscience que celui-ci était, de façon quasi irrémédiable, interdit. Et finalement, il y a eu ce drame d'Aléria, parce que c'est d'abord un drame avec mort de ces deux gendarmes, ce choc aussi, et effectivement ce point de bascule, parce que tout le monde s'accorde pour le dire, Aléria est un point de bascule fondamental dans l'histoire de la Corse contemporaine, et plus rien n'a été après Aléria comme cela pouvait être avant. Le problème, c'est qu'effectivement, si c'est un point de bascule historique, et on comprend pourquoi, et on l'a expliqué également dans le récit, c'est que c'est un point de bascule qui part d'un moment de violence, et qui va marquer les esprits, notamment les observateurs, hein, ceux du continent, qui vont se dire, mais le combat des Corses, il est violent. Vous ne regrettez pas ça, que ce point de bascule ait basculé justement par un acte de violence ? Oui, mais vu le contexte que je vous ai décrit, et malheureusement, pouvait-il en être autrement ? Ceci étant, l'histoire de la Corse, et notamment des rapports entre la Corse et l'État, avait déjà été marquée par une violence profonde et multiséculaire. Il faut quand même rappeler que l'acte fondateur de la présence française en Corse est une conquête militaire, qui s'est d'ailleurs déclinée ensuite sur 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est un petit peu le soubassement de ces rapports, même si à côté de ça, il y a eu une adhésion profonde de la Corse ensuite à l'idéal républicain, donc une histoire qui est complexe et contrastée. Mais ceci étant, c'est vrai que pour beaucoup, et notamment pour les adversaires de l'autonomisme et du nationalisme, mon père porte une responsabilité lourde, c'est celle d'avoir été en quelque sorte l'initiateur de la logique de violence. Je pense que l'explication est à la fois polémique et réductrice. Je crois qu'il était inscrit malheureusement dans le type de rapport qui s'était construit à l'époque entre la Corse et l'État, de façon inéluctable, il était inscrit que l'on ne pourrait passer à une nouvelle phase de rapport qu'à travers malheureusement des actes de violence, qui d'ailleurs ensuite se sont inscrits dans la durée, comme vous l'avez rappelé, puisque au lendemain d'Aléria, il y a la génération des jeunes militants qui avaient participé et soutenu participé aux événements et soutenu la démarche de l'ARC, se sont radicalisés et ont pensé que la seule option qui restait ouverte et valable, vu l'intransigeance de l'État, était celle de la confrontation armée avec celui-ci. Alors en janvier 1977, votre père Edmond Sibéoni est libre. Le 22, il est de retour en Corse où dès son arrivée, il prend la parole à Bastia lors d'un grand rassemblement. On va l'écouter. Hein, on écoute ensemble un extrait de son discours. Nous en avons désormais la certitude. Le peuple corse existe. Enfant de l'île et de l'exil, soudé par une langue, une histoire, une culture, une terre, ils objectivent une communauté de pensée, une entité charnelle, une volonté d'action salvatrice, même si les niveaux de prise de conscience sont inégaux. Conformément à sa tradition fraternelle et généreuse, conformément à sa tradition humaniste, notre peuple peut intégrer sans risque les allogènes qui assument à nos côtés nos drames et nos luttes, partagent nos peines et nos joies, ainsi que nos espoirs, en sont et en seront exclus sans appel. Donc combattus avec fermeté, les allogènes qui spéculent, les allogènes qui nous colonisent, les allogènes qui nous dénigrent. Qui sont donc ces allogènes dont parle Edmond Sibéoni? Oui, c'est vrai que ce vocabulaire est à la fois, comment dire, imagé, totalement inadapté et anachronique, totalement anachronique. Non, moi je pense que ce qu'il faut retenir de ce discours, c'est d'abord le resituer dans son contexte, hein, puisque c'est vrai que c'est il y a près de plus de 40 ans, 45 ans. Ouais, 77. Mais fondamentalement, l'idée que je retiens et que bien sûr nous continuons à partager aujourd'hui, c'est que le peuple corse est une communauté originale qui est notamment soudée, c'est vrai, par une langue, par une culture, par un rapport particulier à la terre, mais surtout une communauté qui, au fil des siècles, s'est forgée à travers également l'apport de gens qui étaient d'origines diverses, de couleurs de peau diverses, de confessions diverses. Et donc, comme nous l'avons souvent dit, en tout cas c'est l'idée que nous défendons avec force aujourd'hui, l'identité corse est aussi avant tout volonté d'identité. Mmh. Et le peuple corse est par définition, à mon avis, quelque chose de vivant, d'ouvert et qui s'enrichit de l'intégration de gens qui arrivent dans cette île, qui la découvrent et qui choisissent d'y construire leur vie et d'en épouser les projets. Ça s'est toujours passé comme ça historiquement, il faut que ça continue à se passer de la même façon. Ça c'est la part de lumière de l'histoire corse, mais il y a une part d'ombre qu'il faut bien assumer. Hein. Comment oui. expliquez-vous les dérives mafieuses du mouvement indépendantiste corse, l'import révolutionnaire et autres pratiques qui ont forcément entaché le mouvement, qui l'ont peut-être, quelque part, pas tué, mais altéré. Très certainement, il y a une part de lumière dans notre combat, il y a une part d'ombre, et nous avons à l'assumer, parce que, y compris lorsque certains garçons ou certaines filles plus jeunes n'ont pas n'y ont pas participé directement. Nous sommes collectivement les héritiers de cette histoire-là, avec ses atouts et avec ses faiblesses. Alors effectivement, il y a eu des dérives. Alors je rappellerai quand même que toutes les luttes de libération ou d'émancipation ont malheureusement connu leur lot d'injustices, de dérives, donc ce n'est pas s'exonérer de sa responsabilité propre que de le rappeler. Et je crois aussi que nous avons su faire un travail important sur nous-mêmes, parce que précisément les dérives et les errements de notre combat avaient conduit notre idéal au bord du gouffre, jusqu'à faire qu'il soit rejeté non seulement vu de l'extérieur, c'est notamment pendant des années, on sait que vu de France ou vu d'ailleurs, la Corse était assimilée de façon abusive, mais généralisée à une terre d'exclusion, d'outrance, de violence, quelquefois de racisme. Et en plus, je dirais, ces dérives avaient conduit également bon nombre de Corses à rejeter l'idée nationaliste. Et c'est bien parce que nous étions conscients de cela, je parle de la génération à laquelle j'appartiens, qui revendique cet ancrage dans le fil historique d'un combat pour la reconnaissance du peuple corse, que nous avons dit qu'il fallait tirer les leçons de ses erreurs, sans stigmatiser au plan individuel, mais en changeant un certain nombre de choses au plan collectif. Je prends la balle au bon, mais vous avez prononcé le mot racisme. Il y a eu des heurts encore, des problèmes en décembre 2015. On en est où vis-à-vis de cette question en Corse? Je dirais que malheureusement, il y a en Corse, comme ailleurs, des comportements racistes et des gens qui sont racistes. Et il y a aussi et surtout des femmes et des hommes qui vivent sur cette terre et qui considèrent que les notions de générosité, de fraternité et d'égalité entre les gens sont essentielles. Donc, on en est là. On en est. Mais vous êtes vigilant. Vous êtes vigilant en tant que dirigeant corse sur cette question. Parce que c'est notre responsabilité politique. Et vous avez vu qu'avec le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talabone, nous sommes sur une identité de vue qui n'est pas de façade et qui n'est pas uniquement due à la volonté de présenter la Corse sous un jour favorable. Nous sommes fondamentalement et farouchement antiracistes, tout simplement parce que c'est notre conviction, parce que nous pensons que le racisme est une souillure pour les gens. Ceci étant, ça ne nous empêche pas non plus de travailler. Et je dirais même que le travail est complémentaire et essentiel. On ne peut pas se contenter de combattre le racisme uniquement par des slogans ou par des positions de principe, même si elles sont essentielles. Il faut aussi réfléchir à la cohésion de la société, à combattre les communautarismes, à combattre le fanatisme. Et nous essayons de le faire au quotidien, en ayant aussi conscience que la Corse, et ça fait partie de la part de Lumière, a été historiquement une société de tolérance, et que notamment la Corse indépendante du XVIIIe siècle, et notamment la Corse de la Révolution de Paoli, qui était un homme des Lumières, a érigé en principe fondateur, par exemple, la tolérance religieuse, au moment où l'obscurantisme régnait encore souvent en Europe. Pascal Paoli. Alors, l'acmé de la violence en Corse, c'était évidemment l'assassinat du préfet Erignac. Vous avez été l'un des avocats d'Ivan Colonna. Est-ce que cette action a été une source de rupture au sein du mouvement nationaliste corse? Qu'est-ce qu'elle a changé? En résumé, parce que je sais que c'est une thématique longue, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faudrait probablement des heures pour commencer à cerner le problème. Mais c'est vrai que là aussi, l'assassinat du préfet Erignac a été un moment particulièrement d'abord douloureux, et ensuite une césure également, parce que d'abord par le drame humain, mais également par la force du symbole, je pense effectivement que cela a été quelque chose de particulièrement lourd, d'abord bien sûr pour celles et ceux qui malheureusement ont eu à le vivre, mais également dans les rapports entre la Corse et Paris, et également dans le rapport de la Corse à elle-même. Alors pourquoi, pourquoi en février dernier, vous étiez présent pour l'hommage au préfet Erignac, à l'inverse de Jean-Guy Talamone, président de l'Assemblée de Corse? Qu'est-ce qui se passe? C'est une source de tension encore entre les différentes mouvances? Non, pas du tout. Jean-Guy Talamone par communiqué rendu hommage à la mémoire du préfet Erignac, a expliqué aussi que sa présence dans un tel contexte n'était probablement pas souhaitée, y compris par les organisateurs de la manifestation. Et en ce qui me concerne, j'ai considéré que, en ma qualité de président du conseil exécutif de Corse, c'est-à-dire institutionnellement chargé de représenter les institutions de la Corse, il était de mon devoir d'être présent, non seulement bien sûr pour exprimer mon respect à la mémoire vis-à-vis de la mémoire du défunt et de sa famille, mais également d'un point de vue fondamentalement politique, pour dire qu'il était temps eh bien, de rentrer dans une logique qui soit une logique de réconciliation, parce que malheureusement, le préfet Rignac n'a pas été le seul mort. L'histoire contemporaine des rapports entre la Corse et la France est une histoire qui a été rythmée par des événements douloureux. Et chaque camp a sa part de drame, sa part de mort, sa part d'injustice, sa part de prison, pour ce qui nous concerne. Et que donc, le moment est venu, je crois, et en tout cas, c'est ce pourquoi je me bats, eh bien, de passer d'une logique de conflit à une logique d'écoute réciproque pour construire une relation qui soit une relation apaisée et qui permette à la Corse de se projeter dans un avenir qui soit un avenir heureux. C'est l'objectif de notre engagement en politique. Vous avez remarqué que les démocraties finissent toujours, après bien des douleurs, hein, mais par l'emporter sur la violence. La logique démocratique et celle du dialogue, heureusement d'ailleurs, c'est une morale de l'histoire, finit toujours par l'emporter. En juin 2014, donc il y a une espèce de sorte de dépôt des armes, hein, après 38 années de combat. À votre avis, sans cette annonce, les nationalistes corses auraient-ils pu gagner les dernières élections territoriales? Je fais partie de celles et ceux qui, tout en étant, je vous l'ai dit, et je le réaffirme avec force, fier de m'inscrire dans le sillon du combat mené par des générations de militants pour l'émancipation du peuple corse. Je fais donc partie de celles et ceux qui ont plaidé, y compris dans des conditions internes quelquefois difficiles, au prix de débats douloureux, pour effectivement que la page de la clandestinité se tourne. Quand bien même aurait-elle été légitime pour beaucoup de militantes et de militants, je pense qu'il était indispensable que le mouvement nationaliste affirme et démontre par son comportement que pour nous, la lutte pour l'émancipation du peuple corse est indissociable de la démocratie à la fois comme objectif et comme pratique. Je suis heureux de ce geste du FLNC, qui est un geste politique courageux. Je pense qu'il a été insuffisamment pris en compte du côté de Paris. Et je crois aussi qu'il a rendu possible la victoire, parce qu'effectivement, il n'y aurait pas eu un tel engouement, un tel élan, une telle adhésion, d'ailleurs, y compris bien au-delà des cercles militants, ou bien au-delà des gens qui partagent nos idées. Il y a des milliers de Corses qui ont choisi de nous faire confiance, aussi parce qu'à un moment donné, nous avons donné des gages de ce que pour nous, le choix de la démocratie était un choix fondamental et irréversible. En décembre dernier, vous avez prononcé une partie de votre discours en langue corse. Quelle intention vouliez-vous exprimer? Parce qu'on a pu prendre ça comme un pied de nez à l'État. Non, écoutez, enfin, on a pu le prendre, mais je crois que cet événement, par le prisme, me semble-t-il un peu réducteur et peut-être, sans vouloir être inutilement blessant, déformant de la logique d'un État jacobin qui se vit notamment comme monolingue. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis italiens, anglais, québécois au téléphone et personne n'a été choqué de ce que des élus de la Corse s'expriment en Corse, mais également en français, hein, pour célébrer la victoire ou pour déclamer un discours qui était au demeurant un discours de paix et de concorde. Et je tiens d'ailleurs à dire qu'à de très nombreuses reprises, en amont et en aval de cet événement qui pour nous était important, il y a eu des discours en Corse, y compris par des élus non nationalistes, parce que la langue n'est pas l'apanage des nationalistes. La langue, à mon avis, doit être parlée de façon naturelle par les Corses, et y compris d'ailleurs par les non-Corses. Vous savez, le bilinguisme ou le plurilinguisme, à mon avis, sont des richesses. Oui. Et donc, bon, moi j'ai parlé corse très naturellement parce que c'est ma langue, et parce qu'il y avait un certain nombre de choses que j'avais envie de dire et d'exprimer, que je ne pouvais exprimer qu'en Corse. Très bien, merci Gilles Simoni, ce sera le mot de la fin, ça va vite, hein. Mais c'est le mot de la fin merci en tout cas. Merci beaucoup, merci en tout cas de votre invitation et merci de votre écoute et de votre présentation extrêmement juste et équitable, merci. Merci monsieur, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les événements d'Aléria en Corse, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les tortures en Algérie pendant la guerre d'indépendance, autour notamment des aveux du général Osarès.